Dans le monde, je souris, ce ne va pas. Des baisers, je sonne, je ne le vois pas. Dans la lumière, je ferai quoi? Offre-moi du personnel, j'en ferai quoi? À moi, ma mère, c'est belle, c'est belle pour moi. Offre-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Qui prend mon bonheur, mon spectre, la main sur le cœur.